moun wap jwen tout sa ki bon nan la vi sa. Mèm si n bouke fon kontinye monte moun sa. Nou pap jan vin dekouraje. An ale, an ale. Tan pase, demen a di sin te konen toujou deye. Fon leve piye ou pou ka rive kote ou prale. Di bonè toujou gran maten. We'll be right back. apprenez,